sont en train de s'accorder. Au mieux au début qu'à la fin, moi. Ouais, c'est bon. Bon, bah. C'est bon. Ah, j'ai une blague en attendant. Monsieur et Madame Staline ont un fils, comment s'appelle-t-il? Jean Staline. Bah dites, c'est facile Staline là, il est connu. Allez? Personne? Mais dites Joseph là. Allez? Bon, mais non, c'est pas ça, c'est Chris, puisque Chris Staline. Et c'est moi qui l'ai inventé celle-là.